Serge Dassault. Bonjour. Vous avez raison en disant que la presse quotidienne va mal, Figaro, Monde, etc. Parce que y a moins de lecteurs et en particulier moins de jeunes lecteurs. On a une clientèle de lecteurs plus âgés qui achètent le journal, un son traditionnel. Mais les jeunes, comme d'ailleurs on dit tout à l'heure, que bon, ils veulent le journal où il y a des informations, peu de commentaires. En réalité, les gratuits, c'est un peu l'agence France-Presse. Bon, on lit un peu ce qu'on entend à la radio, à la télé, etc. Et puis Internet. Alors c'est vrai qu'il y a moins de lecteurs. Le problème de gratuit, c'est bien, mais gratuit de quoi? Le gratuit, on l'achète pas, donc gratuit de la publicité. Je crois que c'est extrêmement dangereux, car d'avoir qu'une source de revenus de la publicité, si jamais, malheureusement, on l'a déjà eu et on l'a encore, la conjoncture baisse, la vie économique baisse, et qu'il y a moins de publicité, et là, les journaux gratuits vont disparaître. On voit bien, on a à la fois la publicité, et heureusement, la vente, ça fait pas la moitié. Mais Serge Dassault, vous avez dit aussi une formule assez inquiétante, la presse doit diffuser des idées saines. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est pas de la désinformation, vous savez. Pourquoi actuellement on diffuse de la désinformation? Vous savez, il y a plusieurs façons de traiter l'actualité. Les idées saines, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est les idées qui font que ça marche. Par exemple, les idées de gauche sont des idées pas saines. Aujourd'hui, nous sommes en train de crever à cause des idées de gauche qui continuent. Nous sommes en train de crever? Oui, on y va tout droit. Faut pas travailler, et il faut... Faut gagner beaucoup d'argent, faut partir en vacances. Bon, et puis après, qu'est-ce qui se passe? On fabrique plus de produits qui se vendent, qui sont trop chers. Mais vous prenez des vacances, vous gagnez de l'argent. Oh, je crois assez peu. J'en prends assez peu. Le problème n'est pas moi, vous savez, moi je travaille 70 heures plus par semaine, donc je suis loin des 35 heures. Mais ce que j'ai dit, pas saine, c'est l'idée qui trompe le monde. En leur disant, en leur trompant, la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est la vie. C'est ce qui marche. Aujourd'hui, quand on pousse les gens à dire qu'il ne faut pas travailler, on est dans l'erreur. Quand on parle d'acquis sociaux, non, il n'y a pas d'acquis sociaux. Il y a le fait que nous sommes dans une situation extrêmement mauvaise. La France, dans l'économie, est pire que les autres. On produit moins, ça coûte trop cher, on émotive les cadres, on a des syndicats qui ne comprennent rien, la preuve, on a des contraintes administratives. Aujourd'hui, la France va mal, à la fois pour financier, la dette de l'État est énorme, 11 milliards, le déficit, on s'en fout, 45 milliards d'euros, c'est pas grave, ça sera 50 l'année prochaine, le service de la dette, c'est le deuxième, c'est l'État. Bon, il faut quand même savoir ce qui se passe et arrêter de rêver. Alors, ce que je dis, ce n'est pas ça, c'est de dire, oh, tout va bien, on va changer, les questions, les 35 heures, il y a rien, et en ce moment, on est en train de glisser. Alors, carrément. Ça veut dire que dans vos journaux, on n'a plus le droit de parler des 35 je heures, des propositions de la gauche? Pas le droit. Il y a un débat en France. Non, c'est pas le droit. C'est des choses qui sont réalités, pas la fiction. Nous vivons de la fiction. Et les journaux continuent la fiction en disant, monsieur Intel dit ça, monsieur Lang dit ça, monsieur TGT a dit ça. Bon, ils peuvent dire c'est quoi. C'est débat démocratique. Si la presse n'en rend pas compte, alors c'est plus la démocratie. La presse peut rendre compte, elle peut aussi dire tout cela va dans l'erreur. Ce n'est pas ça qui marche. Comme je disais, la presse disait, bon, c'est la soleil qui tourne sur la terre. Bon, c'est l'information. C'est idiot. Bon, c'est idiot. Bon, il y a des choses comme ça. Mais il faut faire très attention. Aujourd'hui, la gauche trompe. Trompe les Français en leur faisant croire des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas vraies. On n'est pas seul. On vit dans un monde. On a concurrence nationale. On a les Chinois. Les Chinois vont gagner la bataille économique. On va devenir un pays qui se développe. Mais monsieur Dassault, c'est un petit peu caricatural que vous dites. Moi, je me souviens de cette phrase terrible de Lionel Jospin, Premier ministre en 2001. Et ça montrait bien que la gauche qui est devenue très réaliste, il disait que face à certaines contraintes économiques, le pouvoir politique ne fait rien. Le pouvoir politique peut mettre peut faire en sorte que les choses partent mieux. Si le pouvoir politique ne donne pas à l'économie, ne donne pas à ceux qui travaillent, les moyens de travailler, les moyens de produire, les moyens de créer des bons produits, le moyen de les vendre, eh bien la France va tout droit à un chômage généralisé. Il faut le savoir. Moi, c'est ça que j'appelle la réalité et pas la fiction. Parce que c'est la vérité. Nous sommes en train de descendre vers un gouffre. Parce qu'on ne voit pas. Parce qu'on vit dans travailler, on va en vacances tout le temps, c'est bon, vacances. Alors qu'est-ce qui se passe? On travaille plus. Vous avez l'impression que les gens que vous croisez tous les jours dans les rues de Paris ne pensent qu'à une chose, c'est être en vacances ou sont en vacances en permanence, mais c'est. Il n'y a rien de ça, c'est pas un cap, on ne peut pas travailler, ils ne travailleront plus du tout. Ils seront tous au chômage. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les entreprises françaises, ça c'est la vérité. Elles ne peuvent plus produire en France. Ça coûte trop cher. Ils sont empoisonnés par un syndicat qui bloque tout. Donc ils fabriquent ailleurs. À l'étranger. Donc faut supprimer les syndicats, hein? Faut supprimer les syndicats. Les syndicats français n'ont pas compris que lorsqu'ils disent défend les travailleurs, au contraire, ils les condamnent. Ils se défendent les travailleurs, c'est pas dire qu'il ne faut pas travailler. Il ne faut pas licencier. Il faut gagner plus que les travailleurs. C'est faux, c'est un mauvais calcul. Aujourd'hui, la rigidité de l'emploi est en train de casser toute l'économie française. Et parce que si on n'a pas la flexibilité, si une entreprise ne peut pas débaucher lorsqu'elle n'a plus de travail pour l'ensemble de son personnel, elle fait faillite, elle n'embauche plus. Elle embauche plus. Il y a trop de contraintes législatives qu'on pense. Vous vous sentez brisé, vous voulez donc rétablir, je ne sais pas, la loi de la jungle. Non, pas ça, pas n'importe quoi. Regardez, là, c'est quoi l'économie? Bon, c'est avoir des emplois, bien payer des gens tout on le peut, faire travailler, faire de bons produits. Vous savez, on vit dans la fiction parce qu'on oublie que l'économie, c'est fait pour fabriquer et pour vendre à des clients qui acceptent d'acheter des produits bons, pas chers et de bonne qualité. Bon, si on ne peut pas le faire, et sur les Chinois qui le font, eh bien, on achètera des produits chinois. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis sont très embêtés parce qu'ils ont une base commerciale très faible, parce que là, ils ont une importation extraordinaire de produits chinois. Aujourd'hui, c'est les Chinois qui sont les Suisses, les Chinois qui vont acheter toutes leurs produits, et nous, comme des Américains, on dit, ah, ils ne vont pas travailler. Bon, on va tous au chômage, c'est tout. C'est ça la vérité. C'est la fiction. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut parler de tout, peut-être. Est-ce qu'il va pas? Et bien ce que je souhaite, c'est qu'on ait attention à cela. Monsieur Lang dit que c'est qu'on aide les entreprises, les cadres d'entreprise. C'est stupide, il n'y a pas de cadeau d'entreprise. On fait un cadeau, peut-être. Mais c'est stupide ça, ça veut rien dire. Le MEDEF, c'est quoi? C'est les chefs d'entreprise qui essayent de créer des emplois pour embaucher les gens, pour créer des produits. C'est ça, alors on ne fait pas de cadeau. Mais le pire des cadeaux a été fait par Martine Aubry qui a donné aux entreprises 10 milliards à cause des 35 heures. On dit il faut garder les acquis sociaux. Mais c'est la chose. Les 35 heures ont créé à peu près. À l'État. Les 35 heures ont créé près de 350 000 emplois. C'est quoi? Vous rigolez? C'est quels emplois? Franchement, c'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Vous-même, vous êtes complètement désinformés. Ah bon, preuve. Parce que vous croyez que les 35 heures créent des emplois. Mais c'est pour regarder l'hôpital crève. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'infirmières, parce qu'on a plus de personnel, parce qu'ils sont bons au bout là. Ils partent à 4 heures, ils laissent mal. Bon. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. On vit dans un monde réel et vous vivez dans la fiction. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les gens disent, halte là, vous avez tort, vous n'avez pas compris, il faut les informer. Il faut que les gens sachent plus que l'économie fasse aide d'information. Serge Assaut, vous avez un moment pour rester avec nous, parce qu'il y a beaucoup d'appels au standard Radio-Com pour vous, pour réagir à vos théories économiques. On se retrouve. Les théories, c'est pratique. Hein. Moi, je ne suis pas un théoricien, je suis un praticien, je suis chef d'entreprise depuis 35 ans. Un homme de terrain.